بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، هذا مجلسنا الثالث في الأصول الشرعية في التعامل مع الناس. C'est notre troisième rencontre autour de ces règles et de ces fondements dans le comportement à avoir avec les gens. فكنا مع الأصل الثالث الذي هو التعامل مع الزوجات. Nous étions avec le troisième fondement, la troisième règle, comment se comporter avec sa femme ou la ses femmes. فلا شك Et nous avons vu qu'il y avait trois positions. Deux positions qui sont néfastes et pas bonnes. La position de dureté et la position de laxisme. Et ces deux positions sont néfastes. Qu'il y avait une seule position qui était bonne, c'est celle que on se trouve dans laquelle à s'acquitter de ses devoirs et de ses droits vis-à-vis de son épouse. Comme le veut Allah, comme nous l'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. قال الشيخ حفظه الله تعالى لا شك أنهن صورتان متناقضتان صورة الذي يقسو والصورة الثانية الذي يترك للمرأة الحبل على الغابر وكأن المرأة صارت هي الرجل. الشيخ حفظه الله تعالى il n'y a aucun doute que les deux images sont en contradiction. C'est-à-dire les deux côtés de la situation dans le comportement avec les femmes sont en contradiction. La situation qui fait que l'homme est dur vis-à-vis de sa femme et la situation, la deuxième position où il est laxiste, où il laisse la situation à sa femme. Comme si c'est la femme est un homme. Il lui laisse tout. La liberté dans tout. Il n'y a aucun doute que ces deux situations sont à fuir. Parce qu'ils ne correspondent pas à ce que veut de nous Allah Azza wa Jal, ni à ce que nous a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Wa jima'u dhalika yaqulu al-shaykh hafidhahullah bal mizanuhu wa dhabituhu an yas'a al-mar'u an yakuna ma'a zawjihi wifqa muqtada al-shar'. Et ce qui va réunir la situation, ce qui va la maîtriser, la règle dans cette situation, c'est que l'être humain doit faire en sorte à ce que son comportement vis-à-vis de sa femme soit comme le veut Allah Azza wa Jal et comme le dicte la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et comme l'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu jalla wa ala amara lin-nisa'i bil-haq wa amara kadhalika lir-rijali bil-haq. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et a fait les hommes doivent s'acquitter des devoirs vis-à-vis de leurs femmes. Il en est de même pour les femmes. Ils ont à s'acquitter de certains devoirs vis-à-vis de leur mari. Le Nabi alayhi salatu wassalam min khayri kana min akhir wasayahu alayhi salatu wassalam fi hayati an awsa bin nisa wa kana fi khutbati fi yawm arafa fi khutbati al-azima allati wadda'a fiha an-nas qala عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم يعني أسيرات ولكن هذا لا يعني أن يترك لها الأمر كما تريد ولا يعني أن يكون الأمر في أمر الله جل وعلا متساهلا أن يكون المرء في أمر الله عز وجل متساهلا بل يكون على وفق مراد الله عز وجل إيه Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, parmi les derniers conseils, les derniers ordres qu'il a donné à la communauté, il a conseillé le fait de s'occuper comme il se doit des femmes. Il a dit dans sa khutbah, qui est une énorme khutbah dans laquelle il y a beaucoup de leçons à retenir, la khutbah dans laquelle il a fait ses adieux à la communauté musulmane durant son pèlerinage d'adieu, il a dit aux gens, il leur a conseillé le fait de bien s'occuper de leurs femmes et le fait d'être bon avec leurs femmes parce qu'ils sont des prisonnières chez eux. Asirat. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit laisser la situation à la femme, il fait ce qu'il veut. La ikhal islam. Mais cela ne veut pas dire que l'homme doit être laxiste et souple en ce qui concerne les ordres d'Allah Azza wa Jal. Mais la situation du juste milieu, c'est que l'homme doit, son comportement vis-à-vis de sa femme doit être conforme à la législation d'Allah Azza wa Jal. Et ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que nous a enseigné le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. يقول الشيخ إن الرجل يطلب من المرأة أشياء ولكن تعامله مع زوجته ينبغي أن يكون على وفق ما قال ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنه قال إنني لا أحب أن أستنظف كل حقي على امرأتي حتى لا يجب لها مثل ما طلبت منها من الحق أو كما قال رضي الله عنه. Donc, l'être humain, l'homme demande à la femme des choses, mais son comportement avec sa femme doit être, quand il lui demande des choses, il doit être conforme à la législation d'Allah Azza wa Jal. Comme il a dit Ibn Abbas, radiallahu ta'ala, il dit, il ne cherche pas à avoir tous ses devoirs. Il ne veut pas que sa femme s'acquitte de tout. Il ne veut pas accomplir tout. Il ne veut pas accomplir des choses vis-à-vis de sa femme pour que elle. Il ne veut pas que sa femme accomplisse certains droits vis-à-vis de lui pour qu'après lui il soit imposé de s'acquitter de la même chose vis-à-vis de lui. Cela ne veut pas dire vis-à-vis d'Allah. Vis-à-vis de lui, il veut, il laisse passer certaines choses, parce que si la femme s'acquitte de tous les droits, dans la parole de Ibn Abbas, il sera ainsi, si la femme s'acquitte de tous ses droits vis-à-vis de son mari, ben il a la même chose, comme dans le verset, ils ont la même chose. D'accord? Voyez la compréhension du puiser d'Allah alim comment il est. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre la voix de le puiser d'Allah alim. كذلك في جهة أخرى تعامل الزوجة مع زوجها. الله جل وعلا جعل الرجل له على المرأة درجة فقال وللرجال عليهن درجة. De l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala, comment la femme doit se comporter avec son mari? Allah subhanahu wa ta'ala fait que l'homme il a un degré de plus sur la femme. وللرجال عليهن درجة. Et les hommes ont un degré de plus sur les femmes. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Wallahu jalla wa ala faddala ar-rajula fi ma anfaq. Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette vertu à l'homme parce qu'il est celui qui dépense, celui qui subvient aux besoins. Wa faddala ar-rajula fi ma ja'ala fihi min al-khasa'is fa huwa sahib al-qiwama fi al-infaq wa huwa sahib al-qiwamati fi al-amr wa an-nahy. Allah subhanahu wa ta'ala a donné ses vertus et a donné ses particularités à l'homme parce que c'est lui l'homme, c'est lui qui doit subvenir aux besoins, c'est lui qui doit ordonner et interdire. Wal mar'atu zawjatu yajib 'alayha an tuti'a az-zawj fi ta'atillah. Et la femme, son devoir c'est d'obéir à son mari dans l'obéissance à Allah azza wa jalla. Maintenant c'est le mari ordonne la désobéissance à Allah, il n'obéit pas. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dont la désobéissance à Allah. Impossible. Qu'il soit le mari, ou là qu'il soit le père, ou là qu'il soit la mère. Pas de désobéissance à Allah dans l'obéissance à une créature. Comme il l'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Hein? « Antuti'ahu fil ma'ruf wa la tu'siya » وأن لا تدخل بيته من يكره وأن لا تخرج من بيته إلا وقد رضي. Donc la femme, son devoir c'est d'obéir à son mari dans l'obéissance à Allah, ne pas lui obéir dans la désobéissance à Allah, et qu'il lui obéit dans le bien et qu'il lui désobéit pas en ce qui concerne le bien, et qu'il ne fasse rentrer personne que le mari déteste chez elle, que ce soit parmi ses copines, la famille, etc. que le mari déteste certaines personnes qui ne doivent pas rentrer à la maison, la femme n'a pas à les faire rentrer. Et qu'il ne sort pas de sa maison qu'avec l'agrément de son mari. Wa alaykoum salam. والمرأة إذا حفظت حقوق الزوج عليها فإنه تكون قد أدت فرضها. Et la femme, quand il s'acquitte de ses devoirs et de ses obligations vis-à-vis de son mari, il a rempli son devoir. وقد جاء في الحديث صحيح إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. Et il est rapporté dans le hadith authentique. Quand la femme obéit à son mari, quand la femme accomplit ses cinq prières et jeûne son mois et obéit à son mari, il lui sera dit, rentre au paradis par n'importe quelle porte que tu veux. Ses prières, son jeûne, s'acquitter des obligations de Allah, son jeûne, obéir à son mari, et il a la rentrée du paradis. Il rentre par n'importe quelle porte. ولا شك أن طاعة المرأة لزوجها فرض. Il n'y a aucun doute que le fait que la femme obéisse à son mari, c'est une obligation. والمرأة يجب عليها أن تكون في تعاملها مع زوجها مطيعة راضية. Et la femme doit être avec son mari dans son comportement une femme obéissante et qui accepte, qui agrée sa situation et qui agrée son mari et qui agrée les ordres de son mari. Quand ils sont dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, quand ils ne sont pas en contradiction avec la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. وأن تكون هي المتنازلة هي التي تخضع. Et que il doit être, s'il est intelligente, c'est elle qui laisse un petit peu, qui donne du lest. Donc, quand certainement dans des situations de litige, etc., que c'est elle qui laisse un petit peu de son devoir, etc. Et qui se soumet. وأن لا تجعل الرجل هو الذي يخضع لها. Et qu'il fasse en sorte qu'il ne pousse pas le mari à être obéissant à elle. Que ce soit elle l'obéissante, elle la soumise. Qu'il ne fasse pas que la situation change par son caractère, par sa façon de faire, et que le mari, que la situation change. وَلَّا تَجْعَلَ مِنَ الرَّجُلِ هُوَ الْخَاضِعِ وَلَّا وَهُوَ الَّذِي يَذِلِ لِأَنَّ فِي فِعْلِ ذَلِكَ مَفَاسِدٌ كَثِيرًا. Car le fait d'agir ainsi, et de faire en sorte que l'homme, c'est lui qui est soumis, etc., il y a un grand mal qui en découle. Il y a un énorme mal qui en découle. وَمَنْ تَحَدَّتَ مِنَ الْقُضَاتِ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَنْ مَسَائِلِ طَاعَةِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ وَمَا حَصَلَ مِنْ تَسَلُّطِ بَعْضِ النِّسَاءِ عَلَى الْأَزْوَاجِ كان نهايتها أن المرأة لم تقتنع بزوجها الذي أطاعها والذي عمل معها ما عمل من أنواع التعاملات الطيبة ولكن جعلته يطيع في كل ما تشتهي فكانت العاقبة أن كرهته لأن المرأة بطبيعتها تحتاج إلى من يقوم عليها وإذا قام الرجل عليها وأدبها وسعى معها بما أمر الله عز وجل فإن العاقبة حميدة لهم جميعا. Allah Azza wa Jal est parmi les juges dans les pays de l'islam qui ont parlé des situations de l'obéissance de l'époux à l'épouse. Et ce qui est le mal qui a découlé après du fait que la femme a pris la suprématie sur l'homme, et certaines femmes ont pris la suprématie sur leur mari. La fin de ce genre de situation, c'est que la femme n'est plus convaincu par son mari, n'est plus satisfait par cet homme. Parce que cet homme lui a obéi dans tout ce qu'il veut. Et il est soumis à elle. Et tout ce qu'il aura fait avec elle et tout ce qu'il a fait avec elle, parmi les bonnes actions, parce que c'est elle elle est plus satisfaite de toute cette situation-là. Parce que c'est elle qui l'a poussé, qui a pris le dessus sur lui, qui a fait de lui qu'il soit obéissant dans tout ce que la femme désire. Et le but à la fin, qu'est-ce qu'il en résulte? C'est qu'il l'a détesté à la fin. La femme a détesté cet homme. Parce que la nature humaine sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé la femme, c'est qu'il soit elle la soumise. Et que l'homme, c'est lui qui a les rênes. Et non pas le contraire. Ça, c'est une nature. Tu ne peux pas la dérégler comme ça. Hein? Et si l'homme accomplit, oriente sa femme, éduque sa femme, comme le veut Allah, comme l'a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala, ben la bonne femme, il est pour tous les deux. La bonne femme, la bonne fin et la bonne vie, il est pour tous les deux. Mais il faut que ça soit dans la législation de Allah azzawajal, et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et si les choses se renversent, et que c'est la femme qui a les ordres, et c'est elle qui a là, qui dépense, etc., dis-toi bien que la situation n'est pas normale. Et toute situation anormale amène vers, ne ramène que des dégâts. La nature que Allah subhanahu wa ta'ala a créée, dès qu'on la dérègle, rien ne va plus. Hein? Un exemple flagrant. Flagrant. Vous vous rappelez tous de la vache folle. Hein? Pourquoi il est devenu folle? Hein? C'est un herbivore. Non? Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu folle? Vous lui avez changé sa nature. Vous lui avez changé sa nourriture. Vous lui avez donné de l'herbe et des grains. On lui a donné les boyaux de porc, les pieds de tous les déchets des poulets, etc. Tout ça, mixé, etc. On lui a donné. Il est devenu folle. Mais en réalité, ce n'est pas elle qui est folle. C'est celui qui l'a dénaturé qui est folle. Ben, tout ce système que tu dérègles, ben, il ne marche plus comme il se doit. La même chose. Dans un couple, c'est l'homme. C'est lui qui reçoit les ordres. Ben, plus rien ne va. Et si maintenant l'homme, c'est lui qui prend le dessus, qui donne les ordres, selon la législation, ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala, et selon la sunna de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, la situation va être tranquille pour tout le monde. Les deux côtés vont être bons. كذلك من أنواع التعامل تعامل مع الأقارب. Un autre fondement aussi au niveau de notre comportement avec les autres, c'est le comportement avec les proches. تعامل الرجل مع أرحامه يعني مع أقاربه وهذا من باب صلة الرحيم وقد أمر الله جل وعلا بهذا في قوله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Fait partie des gens de comportement que nous devons avoir, c'est le comportement que nous devons avoir vis-à-vis de nos relations familiales. Nos frères, nos sœurs, nos tantes, hein, tout ce genre-là, le lien de sang que nous avons. Et ça fait partie de ce qu'on appelle Silat al-Rahim, l'entretien de la relation, du sang. Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné dans le Coran. Hein? Vous croyez que si vous vous détournez, que vous allez faire le mal sur la terre et vous allez couper vos relations familiales. Et il dit de ceux-là qui agissent ainsi, du fait de faire le mal sur terre et du fait de couper leurs liens familiaux, ceux-là sont maudits par Allah. Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus sourds et aveugles. C'est énorme comme situation. وصلات الرحم ضابطها ما يكون معه قطع للتهاجر فيما بينهم. يعني ولو كانت بالهاتف لو كانت باللقاء بأي نوع ما يحصل معه قطعان قطع الهجران فإنها تحصل الصلة ولو لم يتصل الرجل مثلا برحمه إلا بين فترة وأخرى إذا كانت الصلة قائمة بسؤال ونحو ذلك فإن هذا معه أداء الواجب. Et l'entretien de la relation familiale, sa règle, c'est quoi le point de maîtrise? c'est que on accomplit des choses avec lesquelles on coupe la mise en quarantaine et coupe la mise du fait de les délaisser. Même si l'entretien se fait par téléphone, demandez les nouvelles par téléphone. Et s'il se fait par la rencontre, n'importe qu'il rencontre, avec ça on arrive à accomplir le fait, à sortir du fait de les mettre à la quarantaine et de couper notre lien familial. Même si celui qui entretient sa relation familiale avec, avec les familles, il se fait que de temps en temps. Hein? Surtout quand le fait, la visite, la hada se fait sur, tu demandes de leurs nouvelles, demandes comment ils vont les enfants, etc., etc. Avec ça s'accomplit notre devoir, le devoir duquel nous devons nous acquitter. Et donc, faire très attention à la relation familiale. Ne la coupe pas. Même le téléphone. Tu demandes des nouvelles, etc. Et tu ne la coupes pas. Parce que c'est énorme. Il en découle un énorme châtiment. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'entretien de Rahim. Il l'a conseillé. Il faut savoir Rahim vient d'un des noms d'Allah, d'un des attributs qui est Rahma. Hein? C'est énorme, Rahim. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné beaucoup dans le Coran d'entretenir la relation familiale, hein? Le lien du sang, pas le couper. Et beaucoup parmi nous coupent leur lien de sang pour des futilités, pour des histoires pécuniaires, et ainsi de suite. Donc l'obligation s'accomplit comme il a dit cher ici. Qu'au téléphone, de temps en temps, tu leur rends visite, de les rencontrer, de parler, de leur poser des questions sur leur situation, demander des nouvelles de leurs enfants et ainsi de suite. Ça, c'est l'obligatoire. Wal mustahab min dalik ma fihi silatun da'ima ma fihi tahassusun li hajati al-aqarib wa tahassusun li raghabatihim wa tahassusun lima yanqusuhum wa hadha fi haqqi man la tajibu alayhi an-nafaqa من لا يجب عليه صلة في الصلة العامة أما من وجبت عليه الصلة فإنه يجب عليه أن يؤدي هذه الصلة سواء كان ذلك في مسائل المال أو في مسائل السؤال أو بدل الجاه أو بدل العمل والسعي في حاجة أقاربه. Il y a aussi un domaine préférable dans la relation familiale. C'est que cette relation soit constante dans le temps, constamment dans le temps. Et aussi, ils voient, est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose, ils les aident. Hein? Est-ce qu'ils ont des envies, selon ses moyens de les accomplir. Voilà, qu'est-ce qu'il leur manque, et s'il est dans l'aisance, il le fait. Hein? Et ça, c'est vis-à-vis de ceux vis-à-vis duquel on n'est pas obligatoire de dépenser pour eux. Par exemple, ton père, tu ne vas pas attendre qu'il soit dans le besoin pour aller. Là, ton père, tu es obligé de dépenser pour lui. Hein? Ta mère aussi. Et il est dit dans le hadith du prophète, toi et ton argent, tu appartiens à ton père. Qu'il veuille ou non, c'est comme ça. Et tu vois certains, mais j'ai donné, je les ai aidés. Ya akhi, tu les as aidés à quoi? Tu n'as rien fait. Toi et ton argent, tu as ton père. Hein? Un homme, une fois, faisait tawaf autour de la Kaaba et il avait sa mère sur le dos. Un compagnon était à côté, il a dit, est-ce que j'ai rempli mon devoir vis-à-vis d'elle? Est-ce que je suis quitte? Il lui a dit, tu ne lui as pas encore remboursé le coup de pied que tu lui donnais dans le ventre, quand il était encore fœtus dans son ventre. Tu ne l'as pas remboursé. Un coup, tu ne l'as pas remboursé. Hein? Il ne faut pas être imbu de soi. Hein? On va arriver à des points où certains vis-à-vis de leurs parents, Allah al-Musta'an, la mère, c'est elle qui est la servante. C'est Allah subhanahu wa ta'ala salam wa al-afiya. Parce que lui, il ouvre le portefeuille. C'est Allah subhanahu wa ta'ala salam. Il ne faut pas aller aussi dans les extrêmes. Hein? Donc ceux pour lesquels on est obligatoire de dépenser, ceux-là, t'attends pas qu'ils soient dans le besoin pour accourir vers leurs besoins. Là, à l'islam. Ça, il s'agit de la situation surrogatoire d'autres. Hein? Parmi hein? tes frères, les enfants de tes frères, et ainsi de suite, etc. Ça, là, tu vas, tu regardes. S'ils sont dans le besoin, tu leur subviens à leurs besoins. Ils ont besoin de quelque chose, tu la ramènes, et ainsi de suite. Et ceux dont il n'est pas obligatoire d'entretenir la relation familiale, hein? Cela, ce préférable, tu le fais vis-à-vis d'eux. Quant à ceux dont la relation est obligatoire, tu es obligé de t'en acquitter. Que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau de demander de leurs nouvelles, que ce soit au niveau de les aider dans des situations, ou d'être l'intermédiaire pour débloquer certaines de leurs situations, ça doit de s'acquitter de certains actes vis-à-vis d'eux, ça soit d'aller chercher pour combler un de leurs besoins. Et maintenant, l'âne, aslun akhar, ala wa huwa ta'amulun mar'i ma'a awladih. Maintenant, avec un autre fondement, une autre règle, comment se comporter avec nos enfants? Comment se comporter avec nos enfants? من أنواع التعامل في ذلك وهو السادس تعامل الرجل مع أولاد. Parmi les genres de comportement que nous avons vis-à-vis des autres, c'est le fait notre comportement, le comportement de l'homme vis-à-vis de ses enfants. والأولاد تكون أولاد تارة يكونون كبار وتارة صغار والصغير له الرحمة والكبير له التأديب. Et les enfants, des fois, ben, ils sont d'un certain âge. Et des fois, ils sont petits, ils sont jeunes. Le grand, lui, il a à ce que tu l'orientes, à ce que tu lui donnes un comportement, que tu le corriges. Et le petit, lui, il a la clémence. Il faut que tu sois clément avec. وقد قال بعض الحكماء إذا كان ابنك صغيرا فقومه وإذا راهق فصادقه وإذا كبر فأشير له. Et certains sages, ils ont dit, rahimahumullah, quand ton enfant est petit, oriente-le, dresse-le. Et quand il est dans l'âge de l'adolescence, sois son compagnon. Il faut qu'à ce moment-là, cet âge difficile, qu'il ait confiance en toi, qu'il s'ouvre à toi. Parce que si la porte se ferme à ce moment-là, c'est un grand mal à l'adolescence. Il ne faut pas rater ce coche, que ce soit vis-à-vis des filles ou que vis-à-vis des garçons. C'est un grand tournant dans la vie de l'enfant. Et quand il devient grand, sois un conseiller pour lui. Tout simplement, tu lui donnes le conseil. Tu as trois étapes. Il ne faut pas rater la première, qui est le fait de le dresser quand il est petit. Et quand il arrive à l'adolescence, c'est que tu sois, qu'il ait confiance en toi, que tu sois un ami à lui, un confident, pour qu'il ait les bonnes orientations à ce moment-là difficile et à ce moment très particulier dans lequel il passe. Parce qu'à l'adolescence, il y a beaucoup de choses qui changent dans l'esprit de la personne. Hein? Et beaucoup d'idées traversent son esprit. Soit il va prendre le bon chemin, soit il va tomber de l'autre côté. Mais si tu es un ami intime à lui et qu'il se confie à toi, il est évident qu'il va je le prendrai à la droiture. Et quand il devient grand dans ces cas-là, tu le conseilles. Tu lui imposes rien, mais tu l'orientes, tu le conseilles. Mais si tu as les trois étapes, les deux premières étapes ont été bien faites, il n'y a aucun problème que dans le conseil, il va accepter. Un homme, une fois, se balader dans certaines ruelles d'une ville avec sa petite fille. Sa fille a vu un palmier qui était, c'est-à-dire au lieu d'être élancé vers le ciel, il était courbé par terre. C'est-à-dire son tronc, il va avec la terre, comme ça il se relève. Il a dit, papa, Abi, on ramène des cordes pour le redresser. Et le père qui était sage, il lui a dit, ma petite fille, c'est trop tard, Il fallait le faire quand il était petit, quand on l'a planté à ce moment-là, il fallait le dresser. Hein? Et mettre des poteaux par-ci et par-là pour qu'il puisse monter. Maintenant, c'est fini. Si on va pour le dresser, qu'est-ce qu'il arrive? Une fois qu'il est adulte, on le casse. Hein? ينبغي للمرء مع أولاده أن يسلك هذه الأحوال الثلاثة. Donc, notre devoir vis-à-vis de nos enfants, c'est de passer ces étapes avec eux. C'est de passer ces étapes comme il se doit avec eux. فإن كان الولد صغيرا أدبه والتأديب يكون بالحسنى. Si l'enfant est petit, il faut qu'il l'éduque et qu'il le corrige, mais comme il se doit. Pas d'exagération. Et si tu exagères, c'est toi qu'on va éduquer après. Hein? Fais attention. L'éduquer, ça ne veut pas dire lui faire des yeux au beurre noir. Ça ne veut pas dire non plus l'envoyer à l'école avec les bleus partout. Après, c'est le téléphone vert qui va tomber sur la tête ici. Et après, peut-être tu ne verras plus ton enfant. Hein? Ce sont les assistantes sociales qui vont s'en occuper. Et c'est le foyer de placement qui va le prendre. Et tu auras tout perdu. Hein? Et même l'éducation à l'islam, quand il s'agit de corriger un enfant, il faut savoir le faire. Une grande chose, pas à l'éduquer comme toi. Si tu es énervé pour le moindre petit truc, tu le cartonnes. Et si tu es de bonne humeur, même s'il fait une grande chose, tu ne dis rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne comprend plus rien. Et dans ton éducation, tu n'as pas à toucher le visage. Rasulullah te l'a interdit. Tu n'as pas à toucher le visage d'un animal. Qu'est-ce qu'il en est d'un être humain? Fais très attention. Et ici, dans ce pays, moindre petit geste avec tes enfants, bah, tu es foutu. Tu vas payer très cher. Tu vas t'en mordre les doigts. Parce que ici, les enfants sont considérés comme les enfants de la République. Hein? Et donc, sois digne. Et ça, c'est ce que tu fais. Et si tu as raté une étape, tu n'as qu'à t'en prendre à toi. Mais fais attention à ce que tu fais dans les autres étapes avec les enfants. Parce que peut-être, tu n'auras plus de contrôle chez eux. Vous n'avez pas besoin que je vous fasse des dessins et de vous donner des exemples. Les exemples dont vous citez, dont vous vivez, vous les connaissez beaucoup, plus que ce que j'en connais. Hein? Il dit le cheikh, لأن الولد في هذا الزمان إذا قسى عليه الوالد فربما نفر منه. Le cheikh il dit même là-bas, dans le pays de l'islam, l'enfant quand le père devient dur avec lui, peut-être il va se sauver de son père, il va le détester. Il va le détester. وَنَفَرَ كَذَلِكَ مِمَّا مَعَهُ مِنَ الْحَقِّ. Il va détester et s'éloigner de la vérité qu'il y a avec son père. Parce qu'il a été dur avec. Qu'est-ce qu'il en est? Hadas, c'est en pays islam, de l'islam. Qu'est-ce qu'il en est ici? نَفَرَ مِنَ الطَّاعَةِ. Il va donner le doigt à l'obéissance. نفر من الاستجابة. Il va donner le dos, il va plus répondre. نفر من الصلاة. Il va donner le dos à la salat, il va la délaisser. لأن هذا الزمان زمن فتنة يا أخي الإسلام فينبغي للوالد أن يعامل ولده ولو كان صغيرا أن يعامله بالتأديب الذي ليس فيه تبغيض له. L'époque que nous vivons, frère en Allah, Azzawajal, c'est une époque de fitaines, de perturbations. Des fitaines qui sont comme le déluge, une derrière l'autre. Ténèbres de fitaines. Donc il appartient au père de se comporter avec son fils qui est petit et de le corriger, de l'éduquer d'une façon dans laquelle il ne va pas l'amener à le détester. Hein? Et même quand tu le châties ou quand il le corrige ou quand il le prive de quelque chose, qu'il faut que l'enfant sente que ça c'est une clémence de la part de son père vis-à-vis de lui, et non pas une haine de la part du père vis-à-vis du fils. Hein? C'est très important. Et surtout, en étant en Europe. تبغيض للولد تبغيض الطاعات للولد الصغير يعني ألا يفرض عليه ما ليس واجبا عليه. Le fait de faire détester les obéissances à l'enfant, faut pas que tu lui rendes obligatoire les choses qui ne sont pas encore obligatoires pour lui. Tu l'habitues, mais tu lui fais rien d'obligatoire avant l'âge de l'obligation. Ah. لا يفرض على الصغير على من دون سن التمييز أشياء لا تجب عليه. On n'impose pas aux petits qui ne font pas la part des choses, les choses qui ne sont pas obligatoires pour eux. مثلا في مسائل العورات البنات الصغار دون سن التمييز لهم أحكام في عوراتهم. Bon, par exemple, les petites filles qui sont plus bas, ils n'ont pas l'âge d'y être mises. En général, l'âge d'y être mises où ils font la part des choses, c'est ce qui nous a instauré le Rasoul Salam. 7 ans, hein, il commence. Et des fois, c'est un peu plus tard. À 7 ans, qu'est-ce qu'il a dit le Rasoul Salam ? Habituez-les tout simplement à la prière. Il y a 10 ans, commence à les corriger. Hein? À 10 ans, on commence à les corriger. Est-ce que la prière est devenue obligatoire pour eux à 10 ans ? Non. Quand est-ce que ça va devenir obligatoire ? À l'âge de puberté. Mais là, s'ils s'y habituent à 7 ans, et qu'il est corrigé, corriger, ça ne veut pas dire hein, lui tomber dessus et lui casser le dos. Hein ? L'air à l'islam, c'est pas ça. La même chose pour les petites fillettes. On leur impose parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas imposé. Parce que l'aura d'une petite fillette n'est pas la même. Celle qui n'est pas arrivée à l'âge de faire la part des choses n'est pas l'aura de la fille de 10 ans. Il faut savoir faire ça. Et les petites filles aiment bien être chuchotées, etc. et tout, dans la norme. Je ne dis pas maintenant que tu en fasses une Barbie. Loin de là. Mais il faut que tu sois sage dans tout ça. On ne tombe ni dans une extrême ni dans l'autre. Hein? Et tu vois les petites filles. Ceux qui ont les petites filles le savent. Tu vois, la petite, il a 4 ans, 5 ans, il commence déjà à être devant la glace. Va pas la réprimander à l'islam, qu'est-ce que tu fais devant la glace? Ou tu vois aussi sa mère, elle laisse un petit maquillage, etc. Il commence. Va pas t'a jouer. Laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. C'est normal. Il voit sa femme, il imite, il voit sa grande soeur, etc. Pas. Hein, faut pas tomber dans l'excès, frère en Allah Azza wa Jal. Hein. Même chose au niveau des vêtements de la petite. La même chose. Au kadari kamandoun al-ashr. يعني ما دون السابعة إلى العاشرة لها أحكام في عوراتها. Celle qui n'est pas arrivée à l'âge de 10 ans, qui est entre 7 et 10 ans, il a un حكم spécial dans sa عورة. فربما تشدد بعض الآباء في التعامل مع الصغار وترك ما يبيحه له الشرع. فهذا التشدد لا تكون عاقبته محمودة فيكره الصغير الخير وتكره الفتاة الصغيرة الخير. Peut-être que certains pères, nous croyons bien faire, hein, dans le comportement qu'ils ont avec les petits, ils délaissent certaines choses qui sont autorisées, ils prévent leurs enfants de certaines choses qui sont autorisées. Et que la législation autorise, agissant ainsi, ça peut être pas très louable vis-à-vis de l'enfant. Parce que l'enfant va détester le bien. Et la petite fille aussi va détester le bien. Donc il faut faire très attention. Tu es en train de former un être humain. duquel ton devoir c'est de faire quelqu'un qui est soumis à Allah, qui aime Allah, qui aime son messager. Rate pas le coche, Akhal Islam. Ne fais pas le contraire. كذلك إذا كان الغلام مراهقا وكانت الغلامة أي يعني الفتاة مراهقة فإن لها أحكاما خاصة. C'est frère en Allah Azza wa Jal, quand le garçon arrive à l'âge d'adolescence, qui est l'âge difficile, et quand la fille arrive à l'âge de l'adolescence, hein, tu dois faire très attention à comment tu agis avec et ton comportement, comment il doit être avec, parce que c'est des situations très sensibles. Ils ont, nous devons nous comporter avec elles d'une certaine façon. Surtout ici. Hein, t'as personne pour t'aider. Si on t'aide pour le mal, si tu veux, et pour le libertinage, il n'y a pas de problème. Mais pour le bien, t'as personne. Toi, ta femme, et des sœurs que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé d'être dans cette voie-là et qui comprennent les situations, et des frères aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a comblé d'être sur la voie du puiser, s'ils comprennent bien leurs devoirs, etc. Ah, c'est la seule chose que tu as. Et Allah Azza wa Jal en priorité. Et après, hein, mais la société entière est contre ce que tu veux. La société dans laquelle tu es, qui est la société de la République, est contre ce que tu veux. Enfin, il faut faire très attention, Akhi. Ne rate pas le coche, c'est ton devoir. Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Vous êtes tous des bergers, vous êtes tous responsables de votre troupeau. L'homme est responsable, la femme est responsable, tout un chacun de nous est responsable. Prends pas les situations à la légère, Akhal Islam. Cette vie va se terminer demain. Et ce qui va arriver est très proche. La résurrection est vite arrivée. Hein? Et demain, nous devons rendre des comptes à Allah Azza wa Jalla. Et fait partie des comptes que nous devons rendre. Comment on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de nos enfants? Quelle éducation nous leur avons donnée? Comment on s'est comporté avec? Et digne de la voix de notre prophète, alayhi salam, et digne de la législation d'Allah, ou le contraire? فتعامل فتعامل الوالد والوالدة مع هؤلاء ينبغي أن يكون مع سؤال أهل العلم. Et le comportement que doit avoir un père et une mère avec les adolescents, ils sont rentrés dans l'âge de l'adolescence, voir tout en demandant des conseils aux hommes de science. يعني تسأل الوالد تسأل الوالدة كيف أتعامل في هذا السن من جهة اللباس من جهة الإذن بالخروج من جهة المخالطة من جهة ما تنظر إليه ولا تنظر إليه وهذا إنما هو بتحبيب الخير لنفوس أولئك والصغير متوسع في حقه يعني ما دون البلوغ فيه سعة في بعض الأحكام والقلم قلم التكليف إنما يكون بالبلوغ. Dans cette situation avec les adolescents, nous devons s'orienter vers les hommes de science pour leur demander des questions. Hein? Le père, la mère doivent poser des questions. Comment je dois agir au niveau de la tenue vestimentaire de mes enfants, surtout à l'âge de l'adolescence? Au niveau de l'autorisation qu'ils sortent là, qu'ils ne sortent pas? Au niveau de ceux qu'ils fréquentent? Qui ils fréquentent? Qui je dois les laisser fréquenter? Au niveau de leur fréquentation? Au niveau de ce qu'ils doivent voir et ce qu'ils ne doivent pas voir. Et ça, ça fait partie du côté de leur faire aimer le bien. Et de faire aimer le bien à ces adolescents. Quant au petit, le petit au niveau de la législation, il y a la largesse dans les lois concernant le petit. Il y a une certaine largesse dans les lois de la législation, dans certaines lois de la législation qui sont en concernant ceux qui sont petits. Et le qalam qui écrit le bien et le mal que les personnes font, ceci ne fonctionne pour les petits qu'une fois qu'ils arrivent à l'âge de puberté, où il est obligatoire pour eux d'accomplir. C'est à ce moment-là. Mais tant qu'ils sont petits, rien ne s'écrit pour eux. Il est évident quand ils prient, etc. Et certains hommes de science disent que ce bien qu'il fait en étant avant l'âge de puberté, il est transcrit pour lui. Mais le mal ne sera pas, lui, ne sera pas pris rigueur. فما بين يقول الشيخ فما بين سن العاشرة إلى البلوغ هذا في أحوال وأحوال. الشيخ entre l'âge de 10 ans et l'âge de la puberté, là il y a des situations et des situations. وما دون ذلك له أحكام فيها سعة. Et en dehors de ça, dire plus bas que 10 ans, il y a la largesse dans les lois d'Allah Azza wa Jalla. Dans certaines lois, il y a la largesse. فلذلك ينبغي للمرء في هذين السنين أن يتعلم كيف يتعامل مع أولاده. C'est pour ça qu'il est de devoir de tout un chacun de nous qui a des enfants d'apprendre comment agir avec ses enfants dans ces âges-là et aux différentes étapes de leur vie. لأن من واقع السؤال ومن واقع ما سمعنا وجدنا أن كثيرا من الناس لا يحسن التعامل الشرعي مع أولاده الصغار. Il dit حفظه الله تعالى partant des questions que nous entendons des gens et partant de la réalité que vivent certains, nous avons trouvé que beaucoup de gens ne savent pas se comporter comme le veut la législation avec leurs enfants, leurs petits-enfants, ceux qui sont à bas âge, ils ne savent pas se comporter avec. لا يحسن